monsieur. Nous avons dansé tout. Alors, on a fait. Khalid, Issa. Côté. Maman, papa, frère, cousin, cousine. Tout est tout comme ça, nous sommes à le faire. Son mariage civil, on te réveille, bah oui. Yé, yé. Ma petite est dans mon nom. Oui. Mes femmes, ça va le marier. Son femme qui comprend 14 à 15 ans, depuis qu'on est dans ses soeurs avec maman. Pour si on même qui a le courage, quand on est ratier, fait ça. Bec fait. Pour le mariage, mais c'est foutre malhonnête, yé yé. La petite est dans mon âme. Oui! Bon. Mesdames, rap danser là, yo. Ni ça campé, ni ça chita, ni ça rap danser. Ou pas ça dit, ou pas de connaître, j'ai un homme qui cherche, yo. Pour maintenant, on vient danser, c'est l'air. Ou pas qu'à connaître. C'est pas l'arrivée là, non, bah là, la parle avec vous. Ou a vini chanter une série de potes, une série de bagailles, de wall, pas comprendre. Bien entendu, si bah la ton tijan, de wall, bagaille, choy, pic now, ou te fait pour expliquer ça, alors lui-même, il t'a quitté ça. Bon. Monsieur jeune garçon, yo, ni sa campé, ni sa cap danser, ni sa chita, pour le bas nous conseille. N'a toujours pendant comme ça yo. Avant mais non fin en balle, ou à chercher la calme pour mener en balle. Sans question de fête et fourni. Fête et fourni. Sans gratter tête. Ou qu'on côté pour mener fille d'abord avant de dans balle la velle. Parce que sous que malheur rentrer dans balle avec fille ça. Ou elle commande des boissons, ou commande des manger, ou danser, ou pas dans la femme. Ou elle donne même encore. Parce que si vous avez acheté manger, danser, ouais, l'autre dit chérie, on fait une sortie non. Il n'y a pas l'autre question là pour nous. Qui s'en comprend la vie? Oh oui, chérie, je me sens fatigué. Donc à la prochaine, vous êtes de côté de la guerre ou? Vous êtes de côté de la guerre ou? Les femmes, c'est bête qui dit. C'est même quand on dit chérie, on fait des sorties. Il dit oui, c'est même quand on fout chavirer. Parce que ceux qui t'ont réfléchi, ou pas dans la femme encore. Par exemple, entre l'ambi, on m'a des clés ou pas femme dans les bras. ou sorti dans barrière là ou a marché d'arrivé sous rail là ou fait colonne à droite ou marché ou marché ou marché l'arrivé dans l'autre barrière fait colonne à droite encore ou vivant dedans ou fait colonne à gauche avec les portes la vie en face ou pour aller clé ou pour mettre la dedans là où ouvre porte là là où ou pousser là-dedans là où s'entendez ya bâton dans la classe bâton dans la classe bâton regardez non bah là tellement bon pour moi j'ai encore relé relé soir soir ou c'est pour un son d'abord 10 aïe aïe aïe c'est alors ou entrer dans un club là l'équilé ou acheter boisson ou acheter manger et vous tombez de ça et puis danser ça qui arrive ça qu'on fait à dire monsieur chéri moi le don bagaille là puis qu'on fâche non monsieur dit foot dit soit bien non pour foot dans des ou monsieur commence à énerver hein oh oui chéri pour ma danse avec vous là dans mon contingent 99 plus 1 99 plus, et ça donne combien? Ah. Ça donne 100. Parce que nous, on a qu'à l'école. 99 plus 1, ça donne rouge. Et puis, monsieur Vex, monsieur Divia, ça comprendre. Moi, faut prendre intéressant pour petit carotte, charge avec Zépina la donne. Un petit carotte chargé avec Zépina. Ça ne compte pas pour lui comme ça. Qui ça ne compte pas pour lui comme ça? Fais expérience. Pas bas de l'eau matin. Pas bas de l'eau à midi. Pas bas de l'eau à souhait. Ou est-ce qu'il va foutre gâter dans la main? Ça ne compte pas pour lui comme ça. On a besoin de trois fois par jour. Trois fois par jour. Balti de l'eau. Bon, si c'est vraiment foutre c'est monté. Ou mettant de toute prière par une bon Dieu. Mais prière par ma foutre rivée quand même. Qui que ça soit comment. Que la police bondit. Donnez-moi votre affaire. Ça dépend. Avec la foi, ça dépend. L'espérance, ça dépend. Sans la charité, ça dépend. Pas ma femme, ça dépend.